Bonsoir, je rappelle que vous écoutez Amandla, une émission bilingue d'analyse politique et d'information produite par le Guérilla. Nous avons déjà abordé dans le cadre de l'émission les enjeux de l'aliénation culturelle et de l'américanisation dans le courant du hip-hop en Afrique. En marge de ce courant, des artistes engagés combattent pourtant l'impérialisme et sont bel et bien enracinés dans les valeurs populaires et progressistes. Aujourd'hui, nous recevons donc à Amandla des artistes qui rallient l'art, le politique et l'action sociale. Didier Awadi est un pionnier du hip-hop sénégalais, engagé avec un cinquième album, « Ma Révolution ». Aussi, il est producteur au studio Sankara à Dakar. Smokey est le pionnier du hip-hop au Burkina Faso, consacré meilleur rappeur du prix Kora en 2010. Et surtout, un artiste engagé pour la justice sociale. Avec eux, Yannick Letourneau, réalisateur dont le documentaire « Les États-Unis d'Afrique » nous situe au cœur d'une Afrique active et remplie d'espoir pour le continent. Bonsoir et merci d'être parmi nous à Amandla ce soir. Et bonsoir. Bonsoir. Vous avez réuni Thomas Sankara, Nelson Mandela, Martin Luther King, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Cheikh Anta Diop, Malcolm X et Frantz Fanon. Parlez-nous de votre collaboration au projet Président d'Afrique. Peut-être que je vais prendre la question. Oui, Awadi. Écoute, Président d'Afrique, c'était un album dans lequel on avait envie de justement donner toutes ces voix, les mettre à disposition de nos frères et sœurs sur le continent, parce que l'histoire magnifique de tous ces grands hommes qui se sont battus pour que nous soyons libres aujourd'hui, on la connaît pas assez, elle n'est pas enseignée, les gens n'en parlent pas dans la presse, dans nos télés tu ne les verras pas, donc il fallait un moment qu'on redonne ça à la nouvelle génération. On pouvait faire un cours d'histoire, ce serait peut-être assez beaucoup, même ennuyeux. On pourrait faire des grands discours, ce serait ennuyeux. On a mis ça en musique. Et l'aspect ludique de la musique pousse les gens à adhérer justement au combat de ces grands hommes. Et on espère qu'en écoutant cet album, ça puisse inspirer d'autres, pas pour vivre dans le passé, mais pour construire un avenir à Dieu avec les bases que nous ont léguées tous ces grands hommes que sont Sankara, Fanon, Lumumba, etc. Donc, ceci est sur votre album « Président d'Afrique ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ici les liens à faire entre les luttes du passé et celles présentes pour l'indépendance et l'unité africaine? Oui, comme on s'inspire, comme dit Sankara, de toutes les luttes, de tous les combats, de toutes les révolutions et de tout ce qu'elles ont de magnifique et d'inspirant. Il faut prendre partout. Je veux dire, on peut s'inspirer de la lutte des Chinois, de la lutte des Japonais, de la lutte des Américains. On peut s'inspirer de toutes les luttes parce que tant qu'elles sont sincères et qu'elles aboutissent au bonheur de l'homme. Donc, on va aller s'inspirer de partout. Et je pense que sur le continent, on a besoin de références et des luttes des gens qui nous ressemblent pour mieux comprendre les autres luttes. Il faut qu'on comprenne la lutte de Kwame Nkrumah quand on parle de panafricanisme, comprendre d'où tout ça vient. Où est-ce qu'il a pris tout ça pour comprendre ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui pour être réellement libre et être unis. Parce que cette unité, c'est une des seules voies de survie. Comprendre pourquoi Sankara s'engage, comment il s'engage, quelle est la trajectoire de l'homme, où est-ce qu'il a étudié, qu'est-ce qu'il a lu, pour comprendre pourquoi il a eu une telle position à un moment donné et comment nous, on s'inspire de ce qu'il a fait à un moment donné de sa vie pour nous autres avancer. Donc, toutes les luttes, à un moment, c'est pour le bonheur des peuples. Et les gens qui se battent pour le bonheur des peuples en Europe, c'est exactement pour les mêmes causes qu'on se bat. Aujourd'hui, quand j'ai vu des étudiants se battre à Dakar pour avoir de meilleures conditions, plus justes pour accéder aux études, j'ai vu exactement les mêmes étudiants au Canada, un pays du Nord occidental, qui se battent pour avoir des conditions meilleures pour vivre. Et faire de bonnes études. Donc je pense que toutes les luttes, quelque part, se retrouvent parce qu'il est question de quoi? Du bonheur de l'homme. Oui, les enjeux se rencontrent. D'ailleurs, au Burkina Faso, il y a la situation actuellement des étudiants qui est assez difficile. Tout à fait. Je m'adresse ici à Smokey. Quels sont les motifs de votre engagement social à travers le ballet citoyen? Bien, écoutez, je crois que jusqu'ici, on a toujours entendu parler de gouttes qui fait déborder le vase. Mais on a l'impression que le vase a toujours retenu la goutte. Donc on se positionne aujourd'hui comme un vase qui veut bien laisser tomber cette putain de goutte, si vous me passez l'expression, parce que trop c'est trop, quoi. Vous voyez, les étudiants sont dans la rue actuellement, ils ont été chassés de l'université. Donc on a dû faire appel à une certaine chaîne de solidarité pour, à travers notamment le ballet citoyen et d'autres structures, pour donner un coup de main, pour qu'ils puissent au moins avoir quelque chose à bouffer, un endroit où dormir. Il y a 216 étudiants qui ont pu être logés par des gens de bonne volonté. On a fait des appels aux dons qui sont livrés au niveau du centre de presse. On est en train de mettre en place aussi une page pour que les gens puissent éventuellement en donner concrètement pour aider les étudiants. Et on entend le gouvernement qui après avoir gazé aux alentours de 2h30 les étudiants en pleine nuit, après les avoir tabassés pour chasser dans les quartiers, le pompier pyromane qui demande aux étudiants de bien vouloir rejoindre le stade du 4 août pour y être hébergé, comme si le stade était un endroit pour héberger des étudiants qui ont une cité avec des chambres, tout ce qu'il faut. Le prétexte était que, à la base, ça coûterait 1 milliard ou je sais pas quoi à l'État pour 2 mois, ce qui est une vraie du prix, parce qu'on sait le sens caché de tout cela, c'est essayer de bâillonner en fait cette partie de la population là, parce que on sent que ça commence à monter, la colère gronde, les grèves, les marches et tout cela, donc c'est la stratégie du bâillonnage, quoi. Donc on se dit, en chassant les étudiants, on va faire en sorte que la lutte soit cassée. Si on élargit la sphère là, pour comprendre les enjeux au Burkina Faso en ce moment, votre mouvement, le ballet citoyen, le départ, c'était à partir d'enjeux par rapport au Sénat, par rapport à l'article 37 de la Constitution burkinabé. Vous pouvez préciser pour nous? Oui, je peux préciser. C'est-à-dire que depuis 26 ans maintenant, M. Blaise Compaoré est au pouvoir au Burkina Faso. Si on rajoute les 4 années de la Révolution, ça fait une trentaine d'années. Et c'est une démocratie, hein, entre guillemets. Donc ce monsieur-là est censé partir en 2015, horizon 2015. Maintenant, la parade, c'est quoi? On va essayer de mettre en place un Sénat, parce qu'à l'Assemblée, ils sont déjà majoritaires. Et soit disant que le Sénat, c'est pour le bonheur du peuple. Soit dit en passant, ce même Sénat va coûter aux alentours de 6 milliards par an aux contribuables burkinabés. Donc c'est vraiment, on n'a pas besoin de ça. Mais en plus de cela, ça va donner une majorité confortable au pouvoir, en plus de l'Assemblée, pour pouvoir faire disparaître, casser ce fameux article 37 qui l'empêche de faire un troisième mandat, qui le limite à 2 mandats. Donc l'objectif en fait caché de tout cela, c'est pérenniser le pouvoir de Blaise Compaoré, et de son clan, et c'est de faire en sorte que ça continue, la même roue, le même cycle continue. Qu'une grosse majorité croupisse dans la misère et qu'une minorité s'en mette plein les poches. Et donc pour nous, c'est un tournant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus simplement des artistes musiciens. Au-delà du fait que c'est vrai, on a une musique engagée, dans nos textes, on a très souvent dénoncé cela. Maintenant, il faut qu'on aille un peu plus loin. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un certain impact par rapport à notre image. Donc on a envie d'être des outils, voilà. On veut qu'on se serve de nous pour un bon objectif. Donc l'intérêt, parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'étaient pas vraiment chauds pour s'engager vraiment politiquement ou suivre les partis de l'opposition. On s'est dit, on va créer un mouvement social, un mouvement civil, et qui peut répondre aux aspirations de la jeunesse. Et on va faire plus que ça, on va faire en sorte d'être présent au-delà des événements, au-delà des démarches et des meetings officiels. On va rencontrer les jeunes dans les quartiers, les étudiants, on va en province, on rencontre les gens, on essaye un peu de faire bouger tout cela. Et ça paye parce que on a de plus en plus d'adhérents, de plus en plus de gens qui ont soif de ce changement-là et qui commencent à bouger. Et ça commence à faire chier le système qui est en place. Mais par exemple, quel soutien la jeunesse du Burkina peut-elle apporter à la campagne Justice pour Sankara après 16 ans de lutte? Ben écoutez, la seule manière de faire justice pour Sankara, c'est de faire partir M. Blaise Compaoré. Personne ne s'y ira jamais la branche sur laquelle il est assis. Donc c'est vrai qu'on se bat, pour la réouverture de ce dossier, mais c'est une chimère tant que on a encore Blaise Compaoré comme président Faso. Est-ce que lui s'opposera systématiquement à tout éclairage de ce dossier-là? Ce dossier et tant d'autres, comme celui de Norbert et celui de Oumarou Clément et bien d'autres, tous les étudiants d'Abo Boukaré et tout ça. Quel héritage de Thomas Sankara peut-on avoir aujourd'hui pour construire l'avenir dès maintenant? Ben, on a énormément d'enseignements de Thomas Sankara. En quintessence, on peut peut-être dire que c'est quelqu'un qui s'est appliqué à lui-même les efforts qu'il réclamait aux autres. Et pour moi, ça suffit déjà. Que quelqu'un dise « abat la corruption » et qu'il fasse montre d'une intégrité, parfois même exagérée jusqu'à ne rien posséder, c'est déjà suffisamment exemplaire pour qu'on se dise que ce monsieur-là, il croyait vraiment, quoi, voilà. Au-delà de tout cela, c'est quelqu'un qui représentait une certaine dynamique. On peut faire des erreurs. Sankara a fait des erreurs comme tout le monde. Mais Sankara a eu le mérite de faire des expériences, d'essayer de se sortir de ce carcan de pays sous-développés avant-dernier au classement du PNUD. Monsieur Blaise Compaoré, à part quelques échangeurs financés par l'Union européenne, nous a gardés dans le même classement jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut reconnaître quand même un certain mérite à Sankara en 4 années, avoir fait tout ce qu'il a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des édifices qui sont encore là pour le témoigner, des théâtres populaires, etc. Ils sont nombreux dans les villes. Ils sont toujours utilisés d'ailleurs par le régime en place. Des routes sont encore utilisées jusqu'à aujourd'hui. Des écoles, des dispensaires, etc. etc. On dit 6 milliards par an pour les sénateurs. Ça représente combien, comme dit le frangin, le dia, ça représente, à qui je fais un coucou au passage, ça représente combien de salaires de médecins. Si on demande à un Burkinabé s'il préfère un médecin ou un sénateur, je pense que le choix est vite fait. Donc aujourd'hui, le peuple burkinabé n'en veut pas de ce Sénat. Personne ne veut de ce Sénat. Mais apparemment, ils n'en ont rien à cirer. Le président apparemment a dit à la télé que, de toute façon, aucune marche n'a jamais changé, aucune loi. Voilà. Et pour ma part, je pense que certains internautes ont voulu rattraper sa gesticulation mal renseignée d'ailleurs, puisqu'il y a pas mal de lois. Si on ne cite que le contrat CPE en France qui ont été modifiés parce que sous la pression populaire. Mais je ne pense pas que c'était le moment choisi de dire ça à un peuple qui est en train de bouger de tous les côtés, des tontons, des tantis. Il y a des vieilles personnes qui participent aux marches, qui sont complètement découragées. On voit bien que ça ne va nulle part. Ce n'est pas le moment de sortir quand on ne l'ouvre jamais pour dire aux gens que non, ben, continuez, vous n'y arriverez pas. Alors, nous, on est là pour prouver le contraire. Parce que, je pense que la plateforme va se durcir. Parce que, par exemple, tout récemment, les étudiants ont refusé la main tendue du gouvernement. Ils ont préféré dormir dehors. Ça, je leur tire mon chapeau au passage, plutôt que d'aller ramper pour aller s'installer au niveau du stade du 4 août. Et on fonctionne comme ça. Et il va arriver un moment donné où cette fameuse goutte-là va tomber. Elle tombera, quoi qu'il en coûte, puisque c'est un passage en force qui est en train d'être mis en place. Il y a 3 ans, quand on disait que le président voulait se maintenir au pouvoir, tout le monde disait c'est faux. Il va partir, il en a marre, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, le truc est en train de se positionner, se mettre en place. Mais ce passage en force-là ne pourra pas se passer parce que les gens ne sont pas prêts. Voilà. Et je me retourne vers Awadi. À travers votre dernier album, Ma Révolution, mm-hmm. vous parlez de la thématique de la paix. Et en particulier en Casamance. Oui. Vous pouvez expliquer? Oui, en Casamance. La Casamance, c'est la région sud du Sénégal où il y a une rébellion depuis pratiquement 30 ans. Et donc, je pense que ça a assez duré. Les gens n'avancent pas. À cause de cette rébellion, les gens ne vont plus aux champs. Cette région était celle qui nourrissait tout le Sénégal. Donc, à cause de cette rébellion, les Casamançais ne sont pas heureux. Donc, les Sénégalais ne sont pas heureux. À cause de cette rébellion, il y a des mines dans les champs. Et des gens perdent, sautent sous les mines très souvent. Trop de Sénégalais sont morts dans une rébellion qui n'a pas de sens parce que, pour moi, on ne peut pas aujourd'hui, au moment où on a besoin d'unifier l'Afrique, qu'une petite région se dise je vais être indépendante, tu vois, pour moi ça n'a pas de sens. Et puis historiquement, idéologiquement, il n'y a pas assez de raisons pour que la Casamance singularise. Donc moi je pense que c'est une rébellion qui a trop duré, et le conflit a trop duré. Donc si les armes n'ont pas pu régler ça en 30 ans, je pense que la société civile doit, et chaque citoyen doit s'engager pour faire une petite action, en tout cas qui peut contribuer à ramener la paix des cœurs. Et voilà, c'est dans ce cadre qu'on a fait un morceau. Je sais que c'est pas une chanson qui va changer le monde, mais en tout cas elle peut apaiser les esprits. Et derrière ça, on va en octobre faire des concerts dans la région. On va essayer de parler à un peu tout le monde. Donc c'est pour ça, même quand on a fait la vidéo, on est allé dans un village assez reculé pour montrer aux gens, écoute, nous sommes tous Sénégalais, nous sommes tous Africains, et voilà, on est sensible à ce qui se passe ici. Les populations casamançaises ont trop souffert, donc nous sommes solidaires et on va tout faire pour que ce conflit s'arrête. Est-ce que votre album est disponible ici au Canada? Oui, l'album est disponible ici. Il est sorti par Septième Ciel. Il est un peu dans le commerce ici, un peu partout, mais et sur iTunes. Frangin, Septième Ciel, oula. Tu vois. J'ai percé ici. Hein. Donc voilà. Ça rigole et plus. Vous êtes en spectacle le 10 au Bobard, donc avec Smokey. Donc on a un spectacle au Bobard, donc on invite tout le monde à venir pour voir un peu voilà cette génération consciente en mouvement ici. Et voilà, on va faire un show assez intimiste, et justement c'est des moments de partage, donc les gens pourront voir Smokey, et Smokey nous a fait la surprise d'être là. Et pour moi c'est un des artistes qui doit être connu, reconnu et suivi par rapport à ce combat. Le combat de Smokey, je pense, pour moi, est un combat que j'admire, parce que être au Burkina Faso avec un régime qui a tué Thomas Sankara, s'opposer à ce régime en sachant que les criminels sont toujours dans la place, s'opposer frontalement, je pense qu'il a une paire de coronas, et moi j'admire son courage. Donc l'avoir aujourd'hui à Montréal, pour moi c'est un honneur. Ta paire n'est pas mal non plus, grand frère. Donc c'est un honneur, et je remercie aussi Yannick qui nous a permis, tu vois, de faire tout ce travail ensemble. Déjà le film, pouvoir montrer ce que nous faisons au jour le jour dans nos petites contrées, voilà, c'était pas pour nous quelque chose qu'on faisait pour avoir les caméras derrière, mais il a mis une certaine lumière sur notre travail. Je pense que Yannick aussi a un courage aussi de filmer ça, de dire et de montrer des preuves de ce qu'il avance et de partager. Voilà, c'est justement l'international quand on parle d'international, pour moi c'est ça, quoi. Il y a une vraie solidarité, elle fait fi des couleurs, des races, des voilà. Je rappelle que en studio avec nous Didier Awadi et Smokey, artiste musicien du hip-hop engagé en Afrique, et Yannick Letourneau, réalisateur du documentaire Les États-Unis d'Afrique. Ce documentaire sera présenté prochainement, Yannick, oui, à Montréal. On a organisé, c'est confirmé à partir d'aujourd'hui, le 15 août, à la Cinémathèque québécoise, salle Fernand Séguin, à 20h. Et donc, il va y avoir projection du film. Et pour la première fois au Canada, on va avoir l'occasion, moi en tant que réalisateur, de discuter avec Awadi, avec Smokey, du film, mais surtout de ce qui se passe maintenant dans leur vie, ce qui se passe maintenant notamment au Burkina Faso avec l'initiative Ballet Citoyen. On va aussi échanger avec le public pourra poser des questions à ces deux grands artistes du continent africain, et j'espère qu'on pourra échanger ensemble sur tout ce qui se passe en ce moment dans ce grand continent. Est-ce que c'est possible de discuter de la manière dont vous vous êtes ralliés autour d'un même projet? Et les États-Unis d'Afrique, le les film? Les États-Unis d'Afrique, le film qui retrace en perspective Didier Awadi autour de son album Président d'Afrique, oui. C'était relativement facile parce que, bon, Didier et Smokey sont des amis, donc ils se connaissaient déjà, ils travaillaient ensemble. Et moi, j'ai eu la chance, en présentant un autre film que j'avais fait, Chronique urbaine, j'avais été le présenter au Burkina Faso pendant un festival qui s'appelle Waga Hip Hop, où Smokey performait ou Didier performait. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer les artistes, de les voir live. Et j'ai été marqué, touché par non seulement leur prestation scénique, mais par leurs propos, par ce qu'ils avaient à dire, par la conviction avec laquelle ils le disaient. Puis ça m'a touché. Puis je suis allé les voir, on a échangé. Et j'ai senti une ouverture pour me laisser entrer dans leur vie, pour documenter leur travail. Et j'avais envie de partager ça avec, non seulement avec mes concitoyens, mais avec le monde entier. Donc voilà la genèse de ce grand projet. Donc merci. Ce film, suivi d'une discussion avec Awadhi et Smokey, sera présenté le 15 août. Puis j'aimerais juste dire que c'est la Fondation FRO et ça me concerne qui sont derrière l'initiative. Donc je voudrais les saluer aussi. À la Cinémathèque. Cinémathèque québécoise, salle Fernand Séguin. Super, d'accord. Et ce samedi prochain, le... Samedi 10 au Beaubar. Le 10, oui, voilà. 22h au Beaubar, un concert, et voilà, dans l'intimité de la génération consciente, on dit. Merci. Je rappelle que vous écoutez Amandla. Je voudrais, si vous permettez, rajouter quelque chose. Par les temps qui courent, les grandes nations sont assez promptes à monter des blocus... pour certaines situations, pour défendre leurs intérêts. Je ne demanderai pas donc à la nation canadienne de faire un blocus au niveau du Burkina Faso pour étouffer le régime en place, mais je demanderai à la population canadienne